bêtises au volant. J'suis ce mec calme, mais imprévisible comme des trisos violents. La somme mirobolante, j'en rêve pourtant, j'aime pas les riches tricards. J'connais pas mon destin, j'veux pas celui de Valérie Giscard. Maintenant t'as ton commerce, avant tu les braquettes. T'as vendu des plaquettes, des j'tartes, t'as descendu les braquettes. Tu défends des valeurs que tes principes contredisent. T'es un ouf toi, mais tu pleures quand c'est le permis contre tir. Mais toi t'hallucines, c'est mieux que tout le monde, mais tu taffes à l'usine. Sois pas stupide, ton talent sort pas d'une boîte à musique. T'avances en sens contraire, mais tu t'en rends pas compte, t'entends pas con. Avec mon rap, nous c'est ensemble complet. Ça y est, on prend de l'amplitude. Un portefeuille pas encore rempli de thunes. Dur d'y arriver quand y'a trop de blancs qui sucent. Trop de gens qui se tuent alors que soi-disant ils prônent la paix. Bref, je voudrais pas faire le chieur, mais je crois que le trône m'appelle. Esprit contradictoire, tu changes d'avis comme de chemise. Mais c'est notre flow qu'on t'a dit boire. Des tas de contradictions, on passe de l'anneau coque. On voit de l'anneau corde, on donne des tas contre l'addition. Esprit contradictoire, tu changes d'avis comme de chemise. Mais c'est notre flow qu'on t'a dit boire. Des tas de contradictions, on passe de l'anneau coque. On voit de l'anneau corde, on donne des tas contre l'addition. Tu dis être claustrophobe, mais tu passes ton temps dans un hall. T'aimes pas la variette, mais t'aimerais être rampé dans un haut. Tu fumes beaucoup, mais tu veux pas le cancer. Tu sais, j'ai pas de conseils à donner, toutes mes contradictions, je conserve. Les soirs où l'ambiance est délire, je prétends vouloir quitter la France en signant le CDI. Tu veux aller plus vite, t'aimes pas courir. Arrête tes blagues pourries, t'as affaire à l'équipe locale, pas des touristes. Certains défendent l'environnement au fond d'un X6. Les pauvres s'appauvrissent depuis qu'un monde existe. Ça te dérange pas d'attendre, non. Mais tu veux tout tout de suite, c'est tout pour le bif. L'odeur de la viande fait que les tout de suite. T'es pas alcoolique, mais t'es capable de boire des fûts. Déçu de ceux qui font des sons pour avoir des vues. T'as plus d'argent, mais t'as des sables de marbre, des plaques de marbre. Arrête de te contredire et j'arrêterai mes sales remarques. Esprit contradictoire, tu changes d'avis comme de chemise. Mais c'est notre flow qu'on t'a dit boire. Des tas de contradictions, on passe de l'anneau coque. On voit de l'anneau corde, on donne des tas contre l'addition. Esprit contradictoire, tu changes d'avis comme de chemise. Mais c'est notre flow qu'on t'a dit boire. Des tas de contradictions, on passe de l'anneau coque. On voit de l'anneau corde, on donne des tas contre l'addition.